Chapitre 3e. Un matin, alors que le soleil commençait à dorer le ciel de ses feux et que tout dormait encore, Azimba, qui déjà levé errait selon sa coutume dans le jardin du palais, vit soudain pénétrer dans l'enceinte sacrée un jeune homme monté sur un animal aux formes singulières, blanc comme la cime des monts. L'inconnu tenait à la main une épée brillante qui l'agitait. Sa vue, celle de l'animal extraordinaire qui le portait, lui obéissait. Le glaive flamboyant dont il était armé frappèrent la princesse d'admiration et de stupeur. L'étranger fut bientôt cerné par les guerriers qui, l'arc brandé, le menaçaient de leurs flèches. Il ne semblait ni s'en inquiéter, ni songer à se défendre, encore moins à fuir. Ses yeux contemplaient la princesse qu'il venait d'apercevoir, qui de son côté oubliait de se voiler, de se retirer, et paraissait fascinée. Le regard qu'échangèrent les deux jeunes gens fut interminable, ardent, troublant, et un même sourire de ravissement se dessina sur leurs lèvres. L'Espagnol abaissa son épée, comme soumis, puis se laissa guider, entraîner, sans que la princesse fît un seul geste. Elle demeura comme pétrifiée à la place qu'elle occupait, et nul de ceux qui étaient survenus, qui l'entouraient, n'osait ni la toucher ni lui parler, la croyant plongée dans une de ses extases accoutumées. Soudain, elle s'affaissa, un de ses compagnons venus du palais s'approcha, lui prit la main, la sentit glacée, cria « Notre mère est morte !» À ce cri, 20 fois répété, toutes les épouses du soleil, tous les prêtres qui habitaient dans l'enceinte sacrée accoururent, entourèrent Azimba, ont voulu la relever, et l'on s'aperçut que son corps était rigide. On la porta dans une des salles du palais, et l'on essaya en vain de la ranimer. Après de longs soins inutiles, ne pouvant plus douter que son âme avait pris son vol vers la Croix du Sud, des courriers furent expédiés dans toutes les directions pour répandre la nouvelle de cet événement imprévu. Le lendemain, aucun doute n'étant plus permis sur le sort fatal de la jeune fille, son corps, selon l'usage, fut baigné par ses compagnes dans une eau parfumée, puis revêtu de ses parures les plus somptueuses. On étendit l'insensible dépouille sur une fine natte, on la couvrit de pétales de fleurs. Ce qui frappa chacun des assistants, c'est que le beau corps, bien qu'inerte, conservait toutes les apparences de la vie. Les mains croisées, la tête un peu inclinée, la bouche entrouverte, les yeux seulement à demi-clos, Azimba semblait dormir et souriait. Quand le soleil disparut derrière les monts, ses vierges épouses placèrent le corps de leur jeune mère sur leurs épaules et l'emportèrent en chantant des hymnes qu'interrompaient leurs sanglots. Du temple venaient des sons lugubres produits par les prêtres, soufflant dans des conques marines. Entre les haies fleuries du parc, existait une grotte artificielle dont un rideau de plantes grimpantes voilait l'entrée, dont l'intérieur était tapissé de mousse et au centre de laquelle on avait dressé un lit d'apparat, formé de plantes aromatiques recouvertes d'un riche tapis. Le corps d'Azimba fut déposé sur cette couche et autour de lui, on incendia des braseros chargés d'encens. Au pied du lit funèbre, on plaça, comme l'exigeaient les rites funéraires, des boissons, des aliments choisis, une corbeille pleine de fruits. Et la princesse Azimba, si belle, si aimée, au visage si expressif alors qu'elle était vivante, visage que la mort n'avait pas défiguré, demeura seule au fond de la grotte où les siens devaient venir la saluer une fois encore avant que son corps fût brûlé, ses cendres rendues à la terre.